Sorry dans ta soirée en tête à queue. Pas la gueule d'une chaîne tête à queue. Merci tu qui t'as, j'peux casser la queue. De travers ma tête du matheux. Vodka ou soin, encore un verre, j'suis plus là, là. Le game, j'le prends en le. J'fais danser ton temps et ta. Quand j'sors un album, ça me lèche. Après ça me lâche, j'pense à ma lèche. J'suis leur vie, j'suis pas le manège. Dans Marrakech, j'suis pas en calèche. Dis pas que t'as ça, dis pas que t'as tout, tu vas danser le bokeh dance. Dance, t'as vu les nuques, je fais des cassages. Ils ont tous fermé le classeur pour le classage. Golf, VR6, phonétique. Des poursuites et ça finit sur les disques. Et disques, tu veux, je disque d'or, de platine, de diamant et disque d'or. Mélancrap. Ouais, l'instru est sale. À deux jours, j'en pis ta salle. Regarde comme j'ai la dalle. Là, ça t'est mis cantare. Con la guitare in mano. Marseille, ma ville natale. Sono in Corsico. Comme Chico de Mexico. Rappel russe sur un T-Max. Pas concluant les écrases. On fume la porte à du riff. Pendant que tout le monde s'en trace. Rappel russe sur un T-Max. Pas concluant. On fume la porte à du riz pendant que tout le monde s'en trace. Bavette, bavette, mélancrape. Bavette, bavette, mélancrape. Bavette, bavette, mélancrape. Bavette, bavette, mélancrape. Ça veut niquer ta zargue. En zone vers ma zargue. Chez moi, Pablo traîne au bar. Avec tous ses sicarios. Je suis seul, je bourre à la frappe du Maroc. Elle me pisse, me colle. Je suis pas d'humeur, je lui dis qu'elle arrête. Trop de tension. Je suis au poteau de faire attention. Comment tu fonctionnes, quand c'est bien elle te fonctionne. T'es fou, t'es là, je pense qu'on bug. Déteste, je te dis tout, dis-moi ce que tout ça me déteste. Ils en sont en mode système D, pas qu'un repère derrière les vitentés. Pour l'argent ils vont guinter, qui t'a rentré chez toi et t'a skinté. Je fume des gros bêtes, à m'en faire des mots tête, tête, tête. Je fume des gros bêtes. À mon cœur, des mots tête, tête, tête. Rappel sur un T-Max, pas de concluant, les écrase. On fume la pâte à du riff, pendant que tes poumons s'encrassent. Rappel sur un T-Max, pas de concluant, les écrase. On fume la pâte à du riff, pendant que tes poumons s'encrassent. Pas de, pas de, pas de.